Yeah, yeah, yeah. T'as reconnu nos noms de code, RYKS, ROD. Rogers toujours présent sur le beat pour s'exprimer. Tu sais très bien mon frère qu'on ne va pas s'en aller. On a pris nos repères, on marche sur les routes non goudronnées. Le monde est parti en couille, et puis nous on se débrouille pour le changer, pour reconstruire, pour faire bouger, pour réussir, améliorer. Car nous sommes tous dans danger, on veut que la terre soit vide danger. Car ça fait un bon moment qu'on n'y a pas changé l'huile. Je dirais franchement qu'il y a une tuile, peu à peu les esprits s'assombrissent. Pourquoi penses-tu qu'on a tous pété une pile? Pourquoi crois-tu que la vie de nos jours c'est si difficile? Meurtres et violences gratuites sans compter les hypocrites. Voilà une partie de nos critiques, en espérant qu'elles vous impliquent. Qu'on reste authentique, en maniant nos propres techniques. Si on parle de choses si dramatiques, c'est pour que vos cerveaux cogitent. Dans la vie, trop souvent détruit. Pourquoi s'autodétruire? Pourquoi se faire du mal? On souhaite pas le pire, on prie juste pour vos âmes. Ça se casse la vie comme un vase en éclats. Il suffit d'une chute pour qu'hélas il soit trop tard. Perdre espoir, voir en noir, plus de belles histoires. Perdu dans le bizarre, putain frère y'en a marre. Mère, plus de sœurs sur les trottoirs. Plus de frères au mita, dans les guerres ou dans les rues. Petit frère devant baba, va traîner tard le soir. Livré à soi-même, autodestruction à tout âge. Dans nos livres, pas de marque-page, non. Sur nos routes, trop de virages. Ornés de fleurs, nous rappellent leur visage. Marqués de la peur, cette chanson en votre honneur. À la gloire du peuple qui se bat, qui part d'en bas, qui ne baisse pas les bras. Tout se passe à l'intérieur, du vieillard au mineur, du frangin à la sister. Insister et démontrer, tous ensemble grimpiller. Mieux vaut tard que jamais, et mec, faut y aller, suis ta propre devise. Subit dans la vie, trop souvent détruit. Pourquoi s'autodétruire? Pourquoi se faire du mal? On souhaite pas le pire, on prie juste pour vos âmes. Y'a trop de sang, frère, trop de gosses qu'on enterre. Original est l'assassin, le crime n'a plus de barrière. Autodestruction entière, monte plongé dans la galère. Maintenant même quand tu demandes l'heure, on te fait des manières. Tout le monde a la rage, rares sont les sages. L'obsession d'être le meilleur a fait du monde ce carnage. Mais le peuple devrait oser proposer de riposter. Combat tous ensemble sans jamais se reposer. Y'a tellement de choses à écrire, y'a tellement de choses à dire. C'est pas pour ça que le monde va arrêter de souffrir. Mais nous on se bat quand même sans gêne, c'est nos chansons et nos thèmes. C'est notre façon à nous d'essayer de résoudre les problèmes. On veut tout le monde ensemble, tout le monde solidaire. Enfin vivre ensemble dans un monde joli et clair. On veut tout le monde ensemble, tout le monde solidaire. Pas vivre dans un monde entre folie et guerre. Subit dans la vie, trop souvent détruit. Pourquoi s'autodétruire? Pourquoi se faire du mal? On souhaite pas le pire, on prie juste pour vos âmes. On survit, tous on subit dans la vie, trop souvent détruit. On fait du mal aux siens et aux autres. Des choses en commun, on commet tous des fautes. On connaît plus l'esprit de solidarité. On va briser les familles pour une nationalité. Va-t-on un jour enfin connaître la fraternité? Ou le même bonheur que l'instant de maternité? Agiter le drapeau, cesser tous les combats. Agiter le drapeau, car les frères tombent trop bas. Agiter le drapeau, cesser tous les combats. Agiter le drapeau, car les frères tombent trop bas. Dans la vie, trop souvent détruit. Pourquoi s'autodétruire? Pourquoi se faire du mal? On souhaite pas le pire, on prie juste pour vos âmes. On vit, on survit. Tous on subit dans la vie, trop souvent détruit. Pourquoi s'autodétruire? Pourquoi se faire du mal? On souhaite pas le pire, on prie juste pour vos âmes.